face, un Gogol premier, le dernier empereur de la dynastie des barbares, descendant direct d'Attila, le terrible, votre nouveau seigneur, votre nouveau dieu vivant. Il a la rage au ventre et le verbe facile, et c'est cette femme lui ont donné de beaux mâles enfants qui seront les rois du nouvel empire qui réunira à la fois l'Orient et l'Occident. D'abord, la France, puis l'Europe, demain, le monde. Les âmes lui appartiennent déjà, beaucoup de têtes sont tombées, et la vôtre tombera d'ici peu. Le monde ne sera bientôt qu'une mare de sang dans mes mains. Ce sera lui, la dernière guerre, dans les astres c'est écrit. Aussi, tremblez, pauvre air, fuyez, fuyez la longue nuit. Rien ne résistera à ma terrible colère.